L'affaire Tapner 2. La lettre qui précède avait ému l'île de Guernesey. Des meetings avaient eu lieu. Une adresse à la reine avait été signée. Les journaux anglais avaient reproduit, en l'appuyant, la demande de Victor Hugo pour la grâce de Tapner. Le gouvernement anglais avait successivement accordé 3 sursis. On pensait que l'exécution n'aurait pas lieu. Tout à coup, le bruit se répand que l'ambassadeur de France, M. Walewski, représentant de Napoléon III Bonaparte, est allé voir Lord Palmerston, secrétaire d'État de l'Intérieur en Angleterre. 2 jours après, Tapner est exécuté. L'exécution eut lieu le 10 février. Le 12, Victor Hugo écrit à Lord Palmerston la lettre suivante. « Monsieur, je mets sous vos yeux une série de faits qui se sont accomplis à Jersey dans ces dernières années. Il y a 15 ans, Callot, assassin, fut condamné à mort et gracié. Il y a 8 ans, Thomas Nicol, assassin, fut condamné à mort et gracié. Il y a 3 ans, en 1851, Jacques Fouquet, assassin, fut condamné à mort et gracié. Pour tous ces criminels, la mort fut commuée en déportation. Pour obtenir ses grâces, à ces diverses époques, il a suffi d'une pétition des habitants de l'île. J'ajoute qu'en 1851, on se borna également à déporter Edward Carleton, qui avait assassiné sa femme dans des circonstances horribles. Voilà ce qui s'est passé depuis 15 ans dans l'île d'où je vous écris. Par suite de tous ces faits significatifs, on a effacé les scellements du gibet sur le vieux mont patibulaire de Saint-Hélier. Il n'y a plus de bourreau à Jersey. Maintenant, quittons Jersey et revenons à Guernesey. Tapner, assassin, incendiaire et voleur, est condamné à mort. À l'heure qu'il est, monsieur, et au besoin, les faits que je viens de vous citer suffiraient à le prouver, dans toutes les consciences saines et droites, la peine de mort est abolie. Tapner condamné, un cri s'élève. Les pétitions se multiplient, une qui s'appuie énergiquement sur le principe de l'inviolabilité de la vie humaine et signée par 600 habitants les plus éclairés de l'île. Les pétitions vous sont remises, monsieur. Vous accordez un sursis. En pareil cas, sursis signifie commutation. L'île respire. Le gibet ne sera point dressé. Point. Le gibet se dresse. Tapner est pendu. Après réflexion. Pourquoi? Pourquoi refuse-t-on à Guernesey ce qu'on avait tant de fois accordé à Jersey? Est-ce qu'il y aurait un mystère? À quoi servit la réflexion? Il se dit, monsieur, des choses devant lesquelles je détourne la tête. Non, ce qui se dit n'est pas. Quoi? Une voix, la voix la plus obscure, ne pourrait pas, si c'est la voix d'un exilé, demander grâce, dans un coin perdu de l'Europe, pour un homme qui va mourir, sans que M. Bonaparte l'entendît, sans que M. Bonaparte intervint, sans que M. Bonaparte mit le haut là. Quoi? Dans cette affaire, vous auriez, vous, monsieur, craint de faire de la peine au proscripteur, en donnant raison au proscrit. L'homme pendu serait une complaisance, ce gibet serait une gracieuseté, et vous auriez fait cela pour entretenir l'amitié. Non, non, non, je ne le crois pas, je ne puis le croire, je ne puis en admettre l'idée, quoique j'en ai le frisson. Seulement, il n'a pas été possible, aux journaux de France, de parler de Tapner. Je constate le fait, mais je n'en conclus rien. Quoi qu'il en soit, vous avez ordonné, ce sont les termes de la dépêche, que la justice suivit son cours. Quoi qu'il en soit, tout est fini. Quoi qu'il en soit, Tapner, après 3 sursis et 3 réflexions, a été pendu hier, 10 février. Et, si par aventure, il y a quelque chose de fondé dans les conjectures que je repousse, voici, monsieur, le bulletin de la journée. Vous pourriez, dans ce cas, le transmettre aux Tuileries. Ces détails n'ont rien qui répugne à l'Empire du 2 décembre. Il planera avec joie sur cette victoire. C'est un aigle à gibet.